salir, je pousserai mes songes. Quand dans mes vers tu choisiras tes sons, quand même nos rêves n'auront plus tant d'attrait, quand même la vie aura perdu son poids, alors j'espère que notre joie sera durée toujours. Alors j'espère que notre joie sera durée toujours. Quand ton âme s'éloignera de mon corps, quand nos pensées voudront faire chambre à part, quand ton regard n'enfantera plus le mien, quand notre amour se mettra à sombrer, alors j'espère que notre peine ne durera pas toujours. Oh non, j'espère que notre peine ne durera pas toujours. Quand d'autres yeux feront briller mes yeux, quand d'autres mains feront jaillir tes reins, quand nos désirs se verront crucifiés, quand nos paroles iront jusqu'à tuer, alors j'espère que notre haine ne durera pas toujours. Alors j'espère que notre haine ne durera pas toujours. Quand ton profil complétera le mien, quand notre bouche n'aura plus qu'un seul joint, quand tes genoux parleront de mon front, quand dans ma main se lira ton destin, alors peut-être que notre amour pourra durer toujours. Alors peut-être l'amour aura duré toujours.